السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes ce soir بإذن الله عز وجل samedi 28 Jumada الثانية 1428, c'est-à-dire le samedi 14 juillet 2007 بإذن الله عز وجل. مرحبا بكم، حياكم الرحمن. إن شاء الله تعالى on continue où on s'est arrêté. On est toujours dans شرح العقيدة الواسطية de شيخ الإسلام رحمه الله. On s'est arrêté, on parlait du rizq. On fait une petite révision. On parlait du rizq, comment Allah subhanahu wa ta'ala donnait le rizq, c'est-à-dire les biens, tous les biens bien sûr, l'argent, le manger, enfin tout ce qui nous en profite. Non, tous les biens, comment Allah subhanahu wa ta'ala les donnait. On avait dit, si vous vous rappelez bien, que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, هو الذي جعل لكم في الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas ici le verset devant moi, une seconde, non, peut-être que je vais le trouver ici. طيب. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la terre, il a dit, Femchou, il a dit marcher, non, marcher. Et lorsqu'il a parlé de l'au-delà, il a dit, Wasari'u, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Subhanallah al-Azim, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. طيب. J'ai ici le verset, une seconde, inshallah ta'ala. Je viens de le trouver. Naam. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وله النشور. C'est lui qui vous a soumis la terre. Marchez, c'est-à-dire parcourir. Donc, dans ses grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui et la résurrection. Là, quand il parle des choses de la terre, il dit seulement marchez. Regardez maintenant, quand il parle de l'au-delà, il n'emploie pas le mot marcher, mais il a employé un autre verbe à la place de marcher. Regardez ce qu'il a dit. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez. Vous remarquez pourquoi ici il parle de l'au-delà. نعم جزاكِلَّهُ خَيْرًا. Pour cette vie, cette dunya, il dit marcher. Pour l'au-delà, il dit concourir. Il faut courir. Naam, il faut courir. Concourir au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire un paradis large comme les cieux et la terre séparés, préparés pour les pieux. Naam. On avait cité qu'une fois, naam, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu a parlé un peu, c'est-à-dire il a fait un peu les éloges de quoi ? De sa, comment qu'on appelle ça, de son courage. Naam, de son courage. Et que, bi'idhnillah azza wa jal, yani, les triomphes qu'il y avait dans la guerre sainte, etc., c'est, yani, masha'Allah, à cause de son courage et ceci, cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a dit, وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous porte secours, et vous fait triompher, n'est-ce pas seulement à cause de vos faibles, naam, n'est pas une question de courage, etc. Les savants ont dit le doua, les doua des faibles, les doua des pauvres, les doua des nécessiteux. Même ceux-là, quand ils font des doua, leurs doua sont plus enclins à être acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala que les doua des autres personnes. Pourquoi? Parce que le faible, le nécessiteux, le misérable, le pauvre, celui-là, son cœur est vide. Son cœur est vide de cette dunya. Même il n'a rien. Son cœur n'est pas attaché. Il n'est attaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pense qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'au-delà. Bien sûr, on parle des nécessiteux qui sont pauvres. On ne parle pas des... Pardon. Des, qui sont pieux. Non, mais on ne parle pas des nécessiteux et des pauvres et qui sont pervers ou la koufa. On parle des pieux. Non, le zaïf, le faible, son doua est beaucoup plus enclin à être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que بعدم تعلقه بشيء سوى الله عز وجل parce que il n'est pas يعني il n'est attiré par rien, il ne pense qu'à l'au-delà. Et vous vous souvenez que j'avais cité un hadith où il était rapporté, un hadith authentique par Cheikh Al-Albani, rapporté par Cheikh Al-Albani, authentifié par lui, où il est cité que une personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Il y avait deux frères, naam. Ces deux frères, l'un d'eux travaillait, et l'autre, qu'est-ce qu'il faisait? Et l'autre restait dans la mosquée et demandait le ilm. Naam, l'un d'eux travaillait, et l'autre restait dans la mosquée et demandait la science. Et ils mangeaient ensemble. Naam. Ensuite, celui qui travaillait est allé une fois se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il lui a dit, moi je travaille, je sue, etc. Et l'autre, il reste seulement à la maison ou à la mosquée, je ne sais pas où, en train de demander la science, c'est tout. Normalement, il doit travailler comme moi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, il lui a dit, en ce sens, que peut-être c'est à cause de lui que Allah subhanahu wa ta'ala te donne les biens que tu as. Naam, peut-être c'est à cause de lui que Allah subhanahu wa ta'ala te donne ses biens. Car celui-là, bien sûr, c'est un pieux, c'est quelqu'un qui demande la science. Et sûrement, quand il mange, il te fait des douas, car c'est dans la sunna. Quand on mange, on termine. Si on mange chez quelqu'un, on dit Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Donc, si jamais Allah ta'ala accepte le doua, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui bénisse dans ses biens. Donc, c'est une grande faveur pour toi, bi'idnillahi azza wa jal. Naam, cela ne veut pas dire que en islam, on ne travaille pas et on dit les biens vont descendre du ciel. Non. Bien sûr, on essaye de ne jamais demander à quelqu'un une chose. Naam. La sunna, c'est de ne jamais demander à quelqu'un une chose, mais c'est toujours de faire soi-même ce qu'on peut faire. Mais il est possible que cette personne, que le frère Allah, par exemple, n'a pas trouvé de travail, ou il a tellement aimé la science qu'il n'a pas pu joindre entre les deux. Alors il a préféré la science au travail. Naam. Ensuite, on avait dit aussi, on avait cité certains hadiths qui ont rapport avec le rizq. Je vais vous en citer quelques-uns ici, comme révision. Certains hadiths qui ont rapport avec le rizq. Une seconde, inshallah ta'ala, si je les trouve ici. Je ne sais pas où ils sont là. Une seconde, inshallah ta'ala. Naam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Regardez ce premier hadith, qu'est-ce qu'il dit. Regardez, pour ceux qui ont l'arabe, bien sûr. Regardez ce premier hadith, qu'est-ce qu'il dit. Ceux qui l'ont pas, je le traduis. Inna ruh al-Qudus nafasa fi ru'i, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilanna ahadukum istibta'u rizq an يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده بطاعته إلا بطاعته. نعم. Il a dit que روح القدس جبريل عليه السلام a نفذ في روحي يعني a fait ancrer en mon âme يعني quelque chose. Quelle est cette chose? Que يعني des paroles. Que quoi? Que aucune personne ne peut mourir avant qu'elle ne termine ses biens. نعم. Quiconque a un bien qui a été écrit avant que l'Ospanotel ne crée les cieux et la terre. نعم. Mais 50 000 ans, personne ne peut te prendre ton bien jusqu'à ce que tu profites de ce bien et tu meurs. Subhanallah al-Azim. نعم. Regardez, des fois, on achète une chose. On achète par exemple des fruits. Supposons des fruits. On a envie de les manger. Ensuite, on se dit, il y a quelque chose qui survient. On laisse ces fruits, on dit, passe, laisse-les pour ce soir ou là. Et ce soir-là, il y a des invités ou là une personne, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, et elle vient, et subhanallah al-Azim, on se souvient qu'on a des fruits, on lui pose des fruits, et là ça veut dire quoi? Ça veut dire que subhanallah ta'ala, ces fruits, ou bien certains de ces fruits, étaient destinés à cette personne. Naam, tu ne pouvais pas les manger à midi. Il faut les laisser pour le soir, pour la personne qui doit venir manger son bien, le bien qu'Allah ta'ala lui a écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Subhanallah al-Azim. Naam, des fois nous, on ne fait pas la relation, etc. Naam, alors que toute chose est écrite d'avance. Ici, il a dit qu'aucune personne ne peut mourir jusqu'à ce qu'elle termine tous les biens qu'Allah ta'ala lui a écrit. Et de ces biens aussi, c'est quoi? De ces biens, le fait de respirer. On a une quantité d'air qui nous a été écrite et qu'on doit respirer, par exemple. Naam. On a une certaine quantité de pas qu'on doit faire en marchant, etc. Quand on fait le dernier pas, on ne peut plus jamais bouger. Là, on tombe malade sur un lit, on ne peut plus jamais faire un pas, parce que les derniers pas ont été écrits. C'est terminé. Maintenant, il reste quoi? Il reste les dernières bouffées d'air. Naam. On est là dans le lit en train de respirer un jour, deux jours, trois jours, et je ne sais pas quand la dernière bouffée d'air, on la respire et on meurt. Pourquoi? Les biens sont terminés. Naam, nos biens, je parle ici de l'air qu'on devait respirer, est terminé. Je ne peux pas respirer l'air qui ne m'a pas été écrit. Naam. Ensuite, il a dit, fattakullahu ajmilu fit talab. Il a dit, soyez pieux, et quand vous demandez une chose, demandez-la dans les règles. Naam, demandez-la dans les règles. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Demandez-la dans les règles, et si vous voyez que yani, le bien que vous voulez avoir ne vient pas vite, tarde à venir, il a dit, c'est pas la peine de le demander en faisant quoi? En faisant des péchés. Naam. C'est pas la peine, il a dit, de le demander en faisant des péchés. Car certaines personnes trouvent que, des fois, faire des péchés pour avoir une chose, c'est quoi? C'est une issue très, très courte. Naam, vite, je fais un péché et j'arrive. Car, par exemple, j'ai eu besoin d'argent. Je demande à des gens pour me prêter de l'argent, il n'y en a pas. Alors maintenant, il y a quoi? Il y a une solution très simple d'avoir de l'argent. C'est quoi? C'est d'aller emprunter avec des intérêts. Naam, c'est très simple et très vite. Je demande maintenant, dans 5 minutes, on me donne l'argent. Naam. Mais le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas écrit une chose, ou que son moment n'est pas arrivé. N'essaye pas de la faire venir cette chose en faisant le haram. Il a dit, car ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala ne se prend pas par le haram. Naam, ce qu'il y a, ce qu'Allah ta'ala t'a écrit, ne se prend pas par le haram. Ensuite, on a vu aussi ce deuxième hadith. Naam, celui-là. Une seconde, inshallah ta'ala. La yazidu fil umur illa al birr. ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. سبحان الله العظيم. نعم. لا يزيد في العمر إلا البر. si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te rallonge dans ta vie, non, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse vivre beaucoup, qu'est-ce que tu dois faire? Al-bir, c'est la piété et la bonne piété. Non. Plus on est pieux, et plus Allah subhanahu wa ta'ala te rallonge dans ta vie, et il a montré dans un autre hadith, il a dit, c'est quoi? En faisant les liens de parenté. Non. C'est le tarrahim. Le fait de ne pas rompre les liens de parenté et d'aller rendre visite aux parents proches. Cette chose rallonge dans la vie d'une personne. Cette personne qui a allé vivre, par exemple, 50, peut-être qu'elle va vivre 70. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala savait qu'elle allait faire cette chose, rendre visite aux proches, il lui a rallongé dans sa vie. Alors que s'il savait qu'elle n'allait pas faire cette chose, il lui aurait écrit seulement, par exemple, 40 ans ou 50. Naam. Il a dit, « وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرْ إِلَّا الدُّعَى » Et quand Allah Ta'ala a écrit quelque chose dans le destin, personne ne peut entraver ce qui doit arriver comme destin. Sauf quoi? Sauf le dua. Naam. C'est pour ça que les duas sont beaucoup demandés. Même si Allah Ta'ala a écrit quelque chose qui n'est pas bien, avec la dua, tu peux la rendre cette chose. Comme il est dit dans le hadith authentique, que Allah Ta'ala fait descendre le destin et toi tu fais la dua. La dua monte et le destin descend, ils se rencontrent en plein ciel et ils sont là en train de se bagarrer jusqu'à ce que le monde se termine. C'est-à-dire le destin ne descend pas. La dua peut l'arrêter en plein descente, en plein milieu. Naam, en plein milieu. Et ce qui nous intéresse ici, il a dit, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقُ بِالذَنْبِ يُصِبُهُ. Et il a dit, parfois la personne est privée d'un bien à cause de quoi? À cause d'un péché qu'elle fait. Naam. Parfois, on allait avoir beaucoup de choses bien et beaucoup de bien, et voilà que à cause de nos péchés, à cause de certains péchés qu'on fait, voilà, on est privé de certains biens. Naam, on est privé de certains biens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le dernier hadith ici, il a dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَتَهُ نعم يعطى بها وفي رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, جزاك الله خيرا, إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته. Allah سبحانه وتعالى ne fait jamais du tort ou la n'enlève jamais à un croyant une hasana, une récompense. S'il fait une bonne action, Allah Ta'ala jamais lui enlève, au contraire, il lui multiplie, il lui donne 10 fois plus, et comme ça. Il a dit, quand quelqu'un fait une bonne action dans cette vie, un croyant, quand il fait une bonne action dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui donne des biens, en revanche. En contrepartie, il lui donne des biens. Ensuite, en plus des biens qu'il lui donne ici, quand il va rencontrer Allah Ta'ala demain, il va lui donner d'autres récompenses. D'autres récompenses. Ça, c'est le croyant quand il fait une bonne action. Quant au kafir, s'il fait une bonne action ici, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne yut'imuhu. Il lui donne à manger. Car le kafir aime beaucoup manger, comme je vous l'ai dit. Naam. Il lui donne à manger. Il est rempli de poissons et de viande. Il mange beaucoup. Naam. C'est pour ça qu'il est cité dans un hadith authentique, il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a invité un kafir, un mécréant. Il lui a donné à boire le lait d'une chèvre. Le kafir l'a bu. Ensuite, ils ont, enlevé le lait des mamelles de la chèvre. Traité, ou je ne sais pas, j'ai oublié le mot, ils ont retiré le lait d'une deuxième chèvre. Il lui a donné à boire, il l'a bu. Ils ont fait ainsi avec une troisième chèvre. Il lui a donné, il l'a bu. Quatrième chèvre, il l'a bu. Cinquième chèvre, il l'a bu. Sixième chèvre, il l'a bu. septième chèvre, il l'a bu. Il s'est endormi, subhanallah al-azim. Il a bu peut-être 12 ou 15 litres celui-là. Il s'est endormi. Le matin, quand il s'est réveillé le lendemain, il a quoi? Il a attesté son islam. Il est rentré en islam le lendemain. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Il a dû peut-être réfléchir. Il a dit, subhanallah, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus, yani, comment qu'on dit le mot, astaghfirullah, yani, karim, quelqu'un qui donne beaucoup d'argent, quelqu'un qui donne, le contraire d'avare. Il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui donne comme ça, peut-être, alors, généreux. Il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un de généreux. C'est moi qui dis, peut-être qu'il a dit comme ça. Alors, il est rentré en islam. Naam. Quand il est rentré en islam, le lendemain, il était toujours invité chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné à boire de la première chèvre. Il a bu. On est allé lui retirer le lait de la deuxième chèvre. On lui a donné, il n'a pas bu. Il a dit, alhamdoulilah, shabit, je n'ai plus envie de boire, alhamdoulilah. Qu'a dit ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, le mécréant mange et boit dans sept intestins. Et le croyant mange et boit dans un seul intestin. Le hadith se trouve dans Sahih Muslim. Inna al-muslim ya'kul fi mi'an wahid. Wal kafir ya'kul fi wa yashrab fi sab'ati am'a. Naam. Vous voyez comment, quand il était kafir, il a bu tout ce que possédait sept chèvres. Quand il est devenu musulman, une seule fille, subhanallah al-azim. Naam, Allah donne ici. S'il fait de bonnes actions, il lui donne des biens. Et, yom al-qiyama, il ne va rien trouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, il va venir les mains vides. Et il ne va rien trouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est dommage, naam, trer, jazakallahu khairan, trer, naam. Je crois que j'ai dit trer, moi, j'ai dit à peu près comme ça, traiter, trer. Naam, ils ont trait sept chèvres, subhanallah al-azim. Il a bu le lait de sept chèvres. Et quand il est devenu musulman, on lui a trait seulement une chèvre, ça lui a suffi. Et le jour du jugement dernier, les koufars ne vont rien trouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il va leur dire, « Azhabtum tayyibatikum fi » الحياه الدنيا ذهبتم طيباتكم في الحياه الدنيا واستمتعتم بها فالور دير بو يعني بو ريكومبونس ايت سيرا و لي زافي يو دون لو با موند اي مينتينون ici il y a seulement l'enfer qui vous attend ce qui est نعم ce qui est comment dirais-je ce qui est malheureux c'est que il existe de nos jours certaines personnes même plusieurs personnes, je dirais même musulmans, plusieurs musulmans qui croient que le kafir, s'il fait ici de bonnes actions, Allah Ta'ala va le rentrer au paradis. C'est bien dommage que certaines personnes yani, ne savent pas leur religion à ce point. Non, certaines personnes se disent, subhanallah, ce kafir, mais il est très gentil, il a fait beaucoup de bien, c'est lui qui a construit l'hôpital, c'est lui qui a construit des écoles. Naam, il a construit des écoles. Il a fait ceci. Il a aidé les pauvres. Comment qu'il ne va pas partir, il ne va pas rentrer au paradis. Subhanallah al-Azim. Et il ne sait pas que Allah Ta'ala a interdit à un mécréant de rentrer au paradis. Allah Ta'ala a interdit à un mécréant de rentrer au paradis. C'est pour ça qu'on entend certaines personnes, ils disent par exemple, pasteur. N'a-t-il pas découvert le sérum, etc., contre la rage, etc. C'est à lui, yani, que revient cette faveur. Combien de gens il a aidé? Combien de gens il a été la cause pour qu'ils ne meurent pas? Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit naam. Naam. Est-ce qu'on a dit le contraire? On n'a pas dit le contraire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va rentrer au paradis? Jamais. Tant qu'il n'est pas croyant, il ne peut pas rentrer au paradis. Il a fait de bonnes choses ici, masha'Allah. Allah Ta'ala l'a récompensé. Il lui a donné beaucoup de biens, il lui a donné peut-être beaucoup d'enfants, il lui a donné beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ne fait tort à personne. ne fait tort à personne. Le jour du jugement dernier, il leur dira, ne vous ai-je pas donné plus que j'ai donné à mes alliés les croyants, il y en avait beaucoup de faibles, beaucoup de misérables, beaucoup de nécessiteux, mais vous les koufars, je vous ai tout donné, non, je vous ai tout donné, aujourd'hui, il y a l'enfer qui vous attend, maintenant c'est le tour des autres, c'est le tour de ceux qui étaient privés dans cette vie, qui étaient croyants, je parle des croyants, c'est leur tour maintenant qu'ils soient récompensés, non. Maintenant, inshallah ta'ala, on passe au nouveau dars. Tout cela, c'était la révision. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Je n'ai pas devant moi ce verset. Naam. Je n'ai pas devant moi ce verset. Mais, à peu près, je vous dis comment c'est. Que rien ne lui ressemble, et c'est lui, Samia, c'est lui l'audient, et le Basir, le clairvoyant. Non, rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, et c'est lui le clairvoyant. Tayyib. Quand on dit rien ne lui ressemble, rien ne lui ressemble, et lui aussi, il ne ressemble à rien. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, que tu t'assois seul comme ça, tu commences à méditer. Tu essaies d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ne fais pas d'effort dans le vide. Tu es en train de quoi? De te fatiguer. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne méditez pas en Allah, mais méditez en ses créatures. C'est un hadith authentique, c'est à peu près ça son sens. Non, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. C'est pas la peine de perdre ton temps. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est lui l'audience clairvoyant. C'est pas la peine de perdre le temps en essayant de penser à quoi il ressemble. Il est comme ci, il est comme ça. C'est pas la peine de perdre ton temps. Ça, c'est une règle dans la Aqida. Une règle dans la Aqida. Ne perds pas ton temps à penser à Allah comment qu'il est fait. Tu n'arriveras jamais. Au contraire, tu vas faire rentrer des ambiguïtés dans ton cœur. Mais pense à ces créatures. Pense au soleil, comment qu'il est. La lune, regarde les étoiles. Regarde la mer, masha'Allah, la mer. Approche-toi de la mer et regarde-la. Regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la mer. Mets le masque et rentre et vois qu'est-ce qu'il y a au fond des mers. Non, regarde les arbres, regarde les montagnes. Regarde-toi, toi-même. وفي أنفسكم أفلا تبصرون regardons toi-même. Allah Ta'ala a dit سنوريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Je vais leur montrer mes signes في الأفاق, dans les horizons, وفي أنفسهم, et en eux-mêmes. نعم, regardons toi-même. Il y a 20 ou 25 ans, tu n'étais rien, tu n'existais pas du tout. Si tu étais un petit bébé, si tu marchais à quatre pattes, ensuite, tu commençais à te lever, tu commençais à dire des mots. Ensuite, c'est cela. Maintenant, mashallah, tu es un homme ou là, tu es une femme. Et toi, maintenant, mashallah, tu donnes, bi'idna ta'ala, des enfants. Et mashallah, subhanallah, l'adhim. Et regarde-toi comment tu as été créé. Regarde, yani, subhanallah, l'adhim. Ta forme. Regarde les mains, les doigts, la bouche, les yeux, les cheveux. Yani, si on méditait seulement sur soi-même, c'est impossible qu'on soit venu de rien. C'est impossible qu'on soit venu de rien et qu'on ne soit pas créé par le parfait. Par le parfait. Allah Ta'ala, exalté soit-il. Quand on dit rien ne lui ressemble, c'est pour réfuter les délits de la secte qui dit quoi? Ça s'appelle Mushabbiha. Qui dit que Allah ressemble à ceci. Allah ressemble à cette chose. On dit rien ne lui ressemble. Donc, avec ce début, on réfute quoi? Les délils et les choubouhat des mushabbiha, les anthropomorphismes, mushabbiha. Ensuite, on dit, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Là, on affirme au moins quoi? Deux noms et avec deux attributs. Naam. Donc, avec ça, on réfute la deuxième secte qui dit quoi? Qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut. Ou alors comme roulette, le Mu'tazila, le Jahmiya, qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de nom. Non. On leur dit, vous êtes des menteurs. Allah ta'ala, c'est lui l'audion, c'est lui le clairvoyant. Au moins deux noms ici, au moins deux noms. Mais vous savez qu'il en a beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Maintenant, une règle que j'ai citée, ça fait très très longtemps. Normalement, yani, c'est moi qui vous poserai la question, mais ça ne fait rien, je vais la dire comme ça. Si par exemple on parle avec quelqu'un, on lui dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala entend, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala voit, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala rit, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne, ou bien, tayyib, on va lui donner des exemples où il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va nous répondre. Abou Mariam, si tu connais la réponse, je vais poser une question à Abou Mariam. Si tu connais la réponse, dis-moi, je te connais, je te donne le micro, tu réponds. Et il va nous répondre, naam, il va nous dire, vous dites qu'Allah Ta'ala entend, vous dites qu'Allah Ta'ala voit, vous dites qu'Allah rit. Donc, vous avez fait ressembler Allah à des personnes. Parce que moi je ris, et moi j'entends, moi je vois. Donc Allah Ta'ala, vous l'avez fait ressembler à des personnes. Donc c'est haram ce que vous dites. Et taqullah, ne dites pas cette chose. Et taqullah, allez apprendre le din. Pourquoi vous dites qu'Allah entend? Pourquoi vous dites qu'il voit? Vous dites qu'il rit, il s'étonne. Taqullah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous dites c'est haram. Alors là, Abou Mariam, est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu as la réponse, Abou Mariam? Comme inshallah ta'ala, tu vas lui répondre. Tayyib, tfazzal al-khod al-laqid. Salam alaikum, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, ok. Non, en fait, Cheikh, barakallahu fikoum, c'est facile. On dit que Allah il entend, mais pas comme nous. Il voit, mais pas comme nous. Par exemple, moi je ne peux pas voir ce que vous êtes en train de faire maintenant chez vous, et je ne peux pas entendre ce qui se passe dans votre cuisine, etc. Et c'est pareil pour tout le reste qu'Allah s'attribue. Donc on affirme, mais on ne fait pas ressembler aux créatures. Non, vous m'avez entendu? Voilà en gros la règle, c'est ça. On affirme ce qu'Allah s'attribue, mais on ne fait pas ressembler aux créatures. Allah il entend, mais pas comme nous. Allah voit, mais pas comme nous, etc. Il a deux mains, mais pas des mains comme nous, etc. Naam. Jazakallahu khairan. Tu m'entends, Abou Mariam? Naam. Tu m'entends toi maintenant? Naam. Ahsanallahu ilayk. Naam. C'était cela la réponse. Il y a deux façons de répondre. On répond avec la façon dont a répondu le frère Abou Mariam. Et il y a la deuxième façon, la façon pour mettre quelqu'un au pied du mur. La deuxième façon, c'est pour mettre quelqu'un au pied du mur. On lui dit, écoute, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il existe ou là il n'existe pas. S'il dit il n'existe pas, on lui dit, khlas, donc tu es kafir, il n'y a pas Allah. Mais s'il dit il existe, yani, il a une vie, hayat, il a une vie, on lui dit, arrête, nous aussi on a une vie, donc tu veux le ressembler à nous. Ensuite, il est obligé de dire quoi? Il dira non, il a une vie, mais sa vie ne ressemble pas à notre vie. On lui dit barakallahu fik, la même chose. Il entend, mais sa façon d'entendre, ce n'est pas comme notre façon d'entendre. Non. Ensuite, on lui dit la même chose. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala parle? Ou là, par exemple, est-ce que Allah, il est coincé? Non. On lui dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala voit ou il ne voit pas? S'il dit il ne voit pas, il est devenu kafir. Allah ta'ala est aveugle, astaghfirullah. Donc je peux faire ce que je veux, il ne va pas me voir. Parce maintenant, je vais boire l'alcool, il ne va pas me voir. Parce qu'il est aveugle d'après lui, astaghfirullah. S'il dit il voit, on lui dit arrête. Tu as dit il voit, tu l'as fait ressembler à moi. Moi aussi je vois, et mon père il voit, et l'oiseau il voit, et la souris voit. Non, classe, donc tu l'as fait ressembler à toutes ces créatures. Il va dire non, c'est pas comme ça. Il voit, mais d'une autre façon, on lui dit la même chose. Non, la même chose, il s'étonne d'une autre façon. il voit d'une autre façon. Il rit d'une autre façon. Et comme ça, il a sa propre vue, sa propre vision, sa propre oui, sa propre vie. Et comme ça, naam. Ça, on l'a dit allez, plusieurs fois. C'est juste, inshallah ta'ala, pour faire une révision. Ensuite, on a dit une règle qui est très très importante ici. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que il voit tout et entend tout alors que nous pouvons tout voir un âme. Il voit tout et il entend tout alors que nous, on entend et on ne voit que des choses yani, très limitées. Naam. Puis ensuite, on a aussi donné un exemple. On dit que quand on parle d'une chose, par exemple, un attribut, par exemple, un attribut, on dit par exemple la main. La main. Naam. En fait, la main n'a aucun sens jusqu'à ce que on la mette dans le contexte. Naam. Quand je dis main, qu'est-ce que vous imaginez entre vos yeux? Main. Moi, je ne peux pas imaginer. Il faut que tu me dises main de l'homme. Déjà, si tu me dis main de femme, déjà, elle ne ressemble pas beaucoup. Tu me dis maintenant main, la main du gorille. Maintenant, tu as tout changé. La main du couffin. Le couffin a deux mains. Naam. La main du sac. Ah là, tu as tout changé. Naam. Maintenant, si tu dis la main d'Allah, c'est sûr que ça ne ressemble à rien. Pourquoi? Parce que c'est sorti du... C'est allé vers un autre contexte. La même chose quand on dit, par exemple, ras. On dit ras, la tête. C'est quoi la tête? Je ne sais pas c'est quoi la tête. Dis-le-moi dans une phrase. La tête de l'homme. J'imagine, je vois comment c'est. La tête d'une femme, j'imagine. La tête de la souris. Naam, c'est autre chose. La tête du cheval, ça a changé. La tête de la montagne, ça s'appelle le sommet. On dit en arabe, ra's al-jabal. Naam. Ra's al-mal. Ra's al-mal. Ra's al-mal, c'est le capital en arabe. On dit ra's, la tête de l'argent. Subhanallah al-adim, c'est le capital. Ra's al-mal. Ra's al-amr. Ra's al-amr. Naam. On dit ra's al-isaba, la tête du groupe. On dit cette secte, elle a la tête du groupe, ça s'appelle Ras al-Isaba. Donc vous voyez le mot Ras, la tête, change d'après le contexte. Subhanallah al-Azim, na'am, il faut mettre les choses dans les contextes. Je reviens ici au verset. Quand il a dit, wa huwa sami'u al-alim. Sami' c'est pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala entend et entend tout et comme on a dit une fois, on a dit plusieurs fois, nous, pour qu'on entende, il faudrait qu'on écoute seulement une chose précise. Naam. S'il y a deux personnes qui parlent, même si tu entends, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce que les deux disent à la fois. Qu'en est-il s'il y en a dix qui parlent à la fois? Qu'en est-il s'il y a des milliards qui parlent à la fois? Allah Ta'ala peut les entendre tous à la fois. Mieux que cela, il entend ce qu'ils ne disent pas. Il entend ce qu'ils disent dans leur cœur. Il le sait. Des milliards de personnes, milliards d'animaux, milliards de créatures, lorsque ces créatures parlent, ils les entendent tous, à la fois, à la même seconde, au même moment. Rien ne le gêne. Yani, c'est pas une créature qui le gêne pour qu'il n'entende pas l'autre, comme chez nous. Non, c'est pas comme ça Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand il a dit, Samir, ça c'est Samir, quand il a dit le Basir, Samir al-Basir, c'est le clairvoyant. On m'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, comment qu'il voyait dans le noir, voyait qu'est-ce qu'il y a sous la terre, sous les mers, dans les montagnes, dans les cieux, entre les cieux, il voit tout. Naam. Rien ne peut entraver sa vue. Rien ne peut entraver sa vue. Je voudrais vous donner ici quelques règles sur... Yani, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala entende et voit. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala entende et voit. Naam. Je cherche ici, si je trouve un fichier, une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde. Ça y est. Regardez le verset qui dit, wa huwa sami'u al-alim. Naam. Laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami' al-alim. Ça y est. Maintenant, quand il a dit Samir, c'est-à-dire celui qui quoi? Celui qui entend. Naam. L'audient. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'audion. Naam. Sama, yani le fait que Allah subhanahu wa ta'ala entende, l'oui, c'est un attribut. Sifa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sifa d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, je pose la question à Wasmo, à Abu Maryam. Est-ce que le Louis, est-ce que c'est un attribut de l'essence de l'entité ou là c'est un attribut de l'acte? Est-ce un attribut de l'acte ou là de l'essence de l'entité? Est-ce que tu connais quelle est la règle? Sur quoi on doit se baser pour donner la réponse? Est-ce que tu connais sur quoi on doit se baser? Est-ce que tu connais la règle ou là je vous la rappelle? Naam. J'ai peur de te tromper. Alors attends. Naam, attends. Chauffe. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala entende, il faudrait que vous sachiez une chose pour que tu saches la réponse, Abu Maryam. On dit que tel attribut est un attribut de l'entité s'il ne se détache jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours en lui. Il ne se détache jamais de lui. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que l'oui, elle est toujours en Allah subhanahu wa ta'ala ou bien elle n'y était pas ensuite un jour elle est venue? Est-ce qu'elle était toujours ou là elle est venue un jour? C'est-à-dire toujours. Car si on dit elle n'y était pas, ça veut dire que Allah Ta'ala est resté une période yani sourd. Astaghfirullah wa atubu ilayh. C'est quelque chose qui est toujours en Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est pour ça en ce sens qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est un attribut de l'essence. Mais d'autre part, Allah subhanahu wa ta'ala entend ce qu'il veut, entend qui il veut. C'est pourquoi on va dire que cet attribut se divise en deux. Premièrement, attendez, je vais trouver ici peut-être des exemples. Regardez. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa sami'a. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa sami', ça veut dire, ça a deux sens. Des fois, ça a le sens de, il exauce. Et des fois, ça a le sens de, il entend. Des fois, ça a le sens de, il exauce. Et des fois, ça a le sens de, il entend. Regardez ce verset. Quand je vais donner ce verset. Et dites-moi si c'est le sens de, il entend ou là, il exauce. طيب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء لونج الله كي اون ديفيد ماريس ما دون اسماعيل واسحاق سيرت مون سينيور اكزوس لي بريير سي تيكري اون عربي سميع الدعاء سميع اون فرونسي مون سينيور اكزوس دونك كون فو تروفي اون عربي سميع سو ني با توجور سا فدي ري لونتون نعم دي فوا سي لي اكزوس دي فوا سي لونتون ريغاردي ici Sami'u du'a, inna rabbi la sami'u du'a. Quelqu'un qui ne connaît pas bien l'arabe, il croit que ça n'a qu'un sens. Il va dire sami', ça veut dire Allah Ta'ala entend les du'a. C'est pour ça, si vous allez retourner dans où il y a la traduction du Coran, vous allez trouver ici, à la place de exos, vous allez trouver qu'ils ont écrit certes mon Seigneur entend les prières. Et moi je l'ai changé. J'ai écrit exos à la place de entend. Je vous ai dit que quelqu'un, pour qu'il traduise le Coran, il faut bien qu'il connaisse les deux langues. S'il connaît seulement le français, ça ne lui suffit pas. Ici, il a cru que Samir, c'était entend. Ils ont écrit, mon Seigneur entend les prières. Alors, ce n'est pas vrai. Ici, vous pouvez revenir au tafsir de Ibn Kathir, Tabari, Sa'di, vous allez trouver quoi? Samir au doigt, c'est-à-dire exauce les doigts. La même chose quand vous faites la prière. Vous êtes incliné, ensuite qu'est-ce que vous dites en étant incliné? Subhana Rabbil Azim, ou bien Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Ensuite vous dites Sami'a Allahu liman hamidah. Sami Allah ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exauce. Allah Ta'ala exauce à celui qui lui fait des éloges et qui le loue. Allah Ta'ala exauce. Ici, Sami Allahu liman hamida. Sami'a, ce n'est pas entendre. Ici, c'est exaucer. C'est-à-dire, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est quoi? C'est normal. C'est-à-dire, comme on dit nous, écoute. Écoute. Prenez cet exemple. Prenez cet exemple où Allah Ta'ala a dit, je donne cet exemple dans le Coran. Regardez. Ma'am. Ouadam Ismail. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير نعم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير c'est-à-dire en français vous savez qu'il y a une femme qui est venue se plaindre de son mari au prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est venue se plaindre. Naam. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi, c'est-à-dire qui se plaignait à propos de son époux, et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Jazakallahu khair, whisper. Donc, une femme est venue se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle était avec lui dans sa chambre, en train de lui raconter que son mari, maintenant, veut épouser une autre, etc., alors qu'elle a grandi, elle lui a élevé ses enfants, etc. Maintenant, il ne la veut plus, il veut une autre. Classe. Il veut changer. Quel moyen? Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit, j'étais quelques mètres seulement loin d'elle et je ne comprenais pas bien ce qu'elle disait. J'entendais un mot, je ne l'entendais pas. Mais elle n'avait pas terminé sa plainte que Allah Ta'ala a fait descendre ce verset. Allah a bien entendu la parole de celle qui discute avec toi à propos de son époux, il se plaignait à Allah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Et Allah entend votre conversation et Allah est audient et clairvoyant. Subhanallah al-Azim. Aïcha à deux pas n'a pas entendu. Mais Allah Ta'ala a entendu. Il a fait descendre ce verset. Donc, vous remarquez que le fait que sami'a Allah Ta'ala, si sami' veut dire exaucer, ça devient un attribut de l'acte. Car Allah Ta'ala exauce à qui il veut et n'exauce pas à qui il veut aussi. Non. Mais si on dit entendre, c'est-à-dire comme on entend nous des sons, ici entendre devient quoi? Devient un attribut de l'essence. Car Allah Ta'ala a toujours entendu et entendra toujours. Et jamais il n'a été sourd. Donc je répète, quant à l'attribut. Louis, à l'attribut Louis, Sama, ça se divise en deux. Non. Si on donne le sens de exaucer, non. Si on donne, pardon, téléphone, non. Parce qu'il est là. Lahda. J'ai dit que quand on parle de l'attribut Louis, on regarde. Si on lui a donné exaucer, ça veut dire alors c'est un acte, c'est un attribut de l'acte. Car Allah subhanahu wa ta'ala exauce à qui il veut, il n'exauce pas à qui il veut. Et si on lui a donné, d'après le contexte, on lui a donné le sens de entendre, comme on entend les sons, etc., comme vous m'entendez, vous. Et comme vous entendiez le téléphone sonner ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un attribut de l'essence. D'être, c'est fait ou d'être. Car Allah Ta'ala a toujours entendu et il entendra toujours. Naam. Maintenant, si on lui donne le sens de entendre, c'est-à-dire le deuxième, entendre les sons, etc., comme il a entendu par exemple la femme qui est venue se plaindre. Naam. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il a entendu une chose, il veut dire, en plus que le fait qu'il a entendu, il veut dire aussi, quoi? Que je suis avec vous, je vous seconde, et je vous fais triompher. Naam. C'est comme, regardez dans ce verset qui va suivre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant de Harun et Moussa, quand il leur a dit d'aller vers Pharaon pour lui faire le rappel et la doua, ils ont eu peur. Que leur a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il leur a dit, attendez que vous allez lire le verset. قال لا تخافا إنني معكم أسمع ورا. Il dit ne craignez rien. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Qu'est-ce que ça veut dire j'entends? Moussa alayhi salam qui est un prophète. Harun alayhi salam qui est un prophète. Ils ne savent pas que Allah entend? Pourquoi il leur dit n'ayez pas peur, j'entends? Non, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire entendre, mais en plus ça veut dire je suis avec vous. Je vous seconde, je vous secours, je vous porte secours. Et je vais vous faire triompher sur lui. Donc ici, l'entente, des fois, elle a un sens plus que lui. C'est-à-dire lui, plus le secours. Plus le secours et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et, autre chose ici, naam. Et des fois, le verbe entendre, naam, ça peut être aussi le contraire. C'est-à-dire, j'entends, mais en même temps, c'est une menace. Mais en même temps, c'est une menace. Regardez lorsque des koufars ont dit. Naam. Regardez lorsque des koufars ont dit dans ce verset. Regardez ce qu'ils ont dit. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا. Allah a entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Naam. Allah a entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Des gens ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Allah Ta'ala leur a répondu, j'ai entendu ce que vous avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde sait, même le kafir il te dit Allah entend. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire je vous ai entendu, mais en même temps c'est une menace. Mais attendez, qu'est-ce que vous allez trouver demain chez moi. Attendez, voir qu'est-ce qui va vous arriver. Naam. Attendez, voir qu'est-ce qui va vous arriver. Naam. Donc, il y a même un autre exemple. Regardez par exemple ici, sorte Zukhruf. Naam. Quand les kuffars aussi ont dit quelque chose qui n'est pas bien, Allah Ta'ala leur a répondu par cette phrase. Il a dit أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَهُمْ بَلَا. Ou bien, escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets, ni leurs délibérations? Mais si. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ils ont dit des choses qui ne sont pas bien. Allah Ta'ala a dit, je vous entends. J'ai entendu ce que vous croyez que ce sont des secrets pour vous. Je les ai entendus. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce n'est pas seulement entendre, c'est des menaces. J'ai entendu et j'ai... Mes anges ont écrit cela et demain vous allez voir yani, quel sera votre châtiment. Donc, je vais résumer très vite. L'ouïe, l'entente, ce qu'on appelle l'entente, l'ouïe, ça se divise en deux. Si c'est exaucé, c'est alors un attribut de l'acte. Et si c'est entendre des sons, etc., c'est un attribut de l'essence, car Allah Ta'ala a toujours entendu. Et si c'est maintenant entendre des sons, etc., ça se divise en deux. Des fois, il veut dire par entendu, non seulement entendu, mais je vous porte secours et je vous aide. Et des fois, il veut dire par je vous ai entendu, il veut dire la menace. Il profère des menaces. Naam, je vous ai entendu, ça veut dire ce sont des menaces. Ça, en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ce qui concerne la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se divise aussi en deux. Des fois, c'est seulement la vue. Et des fois, c'est quoi? Et des fois, c'est la menace. Quand c'est seulement la vue, lorsque par exemple Allah ta'ala a dit, hein, regardez ici dans ce verset, Allah Ta'ala a dit La takhafa, innani ma'akum asma'ara. Allah Ta'ala parle avec Moussa et Harun, il leur dit, n'ayez pas peur. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Ça veut dire, c'est la vue, je vous vois. Naam. Mais lorsqu'il a dit par exemple dans un autre verset, lorsqu'il a par exemple Alam ya'lam bi anna Allah yara, Naam, lorsqu'il a dit dans ce verset, regardez ce verset, il a dit Alam ya'lam bi anna Allah yara, après avoir dit Ara'aita alladhi kadhaba wa tawalla, il a d'abord dit Ara'aita alladhi kadhaba wa tawalla, ensuite il a dit Alam ya'lam bi anna Allah yara, c'est-à-dire il a dit ne sait-il pas que vraiment Allah voit, après avoir dit vois-tu si le démon il tourne le dos. Naam, regardez ici, je vais essayer de l'afficher. Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Naam. Et auparavant il avait dit vois-tu si le démon et se tourne le dos, si le démon et tourne le dos. Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Qu'est-ce que ça veut dire ici voir? Naam, qu'est-ce que ça veut dire ici voir? Ça veut dire que il le menace, c'est pas seulement la vue, c'est la menace. C'est exactement comme lui. Le verbe entendre, c'est des fois entendre des sons, et des fois c'est entendre plus menacer. Ici la même chose, la vue. Des fois c'est seulement voir, et des fois c'est voir et menacer. Ici il dit, yani, je l'ai vu, et en même temps, il y a un châtiment qui l'attend. C'est-à-dire que je le menace. Et la vue se divise aussi, yani, en deuxième sorte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le ilm, la science. La science. Regardez par exemple, lorsque ils ont dit, en parlant du jour du jugement dernier, ils ont dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Innahum yarawnahu, yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Il parle du jour du jugement dernier, il a dit, il le voit loin. Et nous, c'est pas, on le voit proche. Ici, il ne veut pas dire je le vois proche. Mais il veut dire quoi? Il veut dire que je sais qu'il est proche. Pourquoi? Parce qu'il parle du jour du jugement dernier. Et un jour, ça ne se voit pas. Le jour, ça ne se voit pas. Le jour, ça se sait. Yani, on sait qu'il est loin ou qu'il n'est pas loin. C'est tout. C'est pas on le voit. Non. Il, c'est-à-dire le châtiment, pardon, le châtiment, il le voit bien loin. Alors que nous, le voyons bien proche. C'est-à-dire, nous savons qu'il est proche. Je sais qu'il est proche. Ici, ce n'est pas la vue. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, il parle du jour du monde dernier. Et le jour, ça ne se voit pas, mais on sait. On sait s'il est loin ou s'il n'est pas loin. C'est tout. Naam. Attendez. Taïb. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, c'est ici que il y a aussi quelque chose de nouveau. Il a dit Naam. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. Pardon. Une seconde, inshallah ta'ala. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل من كمال الولد. Et si en entrant dans ton jardin, tu avais dit, telle est la volonté et la grâce d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Alors tu m'aurais vu, m'aurais avec un apostrophe, tu m'aurais vu moins pourvu que toi en bien en enfant. Naam. Alors tu m'aurais vu moins pourvu que toi en bien et en enfant. Ce verset, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, yani, il faut bien faire attention de ne pas se louer et de ne pas se faire les éloges à soi-même et de faire la tazkiya. Celui-là, quand il est rentré dans son jardin, au lieu de dire « Masha'Allah, la quwwata illa billah », il a commencé à dire, yani, en trotte, si c'était pas moi, si c'était pas mon travail, c'est, comme il est beau, comme ceci, comme cela, Allah Ta'ala lui a envoyé un feu, il l'a détruit en une nuit, il l'a détruit en une nuit. Le lendemain, il est venu, il se retournait les mains comme ça, et avait des regrets, des remords dans le cœur. Alors l'autre lui a dit, et si en entrant dans ton jardin, tu avais dit, Masha'Allah, la quwwata illa billah, alors là, tu m'aurais vu, yani avec moins de biens et moins d'enfants que toi. Donc elle dit, Masha'Allah, la quwwata illa billah, elle joue un très très très grand rôle. elle joue un très très très grand rôle. Et beaucoup de gens ne savent pas quoi, ne savent pas que non seulement on doit dire aux gens, si on voit une belle chose, on doit leur dire, yani, barakallahu laka fiha, ou as'allah an yubarik, ou quelque chose dans ce sens, mais mieux que cela, on doit se dire même à des choses qui nous appartiennent. Naam, celui-là, cette personne qui est dans le verset, elle s'est faite frapper d'un mauvais œil, subhanallah al-azim, elle s'est fait frapper elle-même. C'est-à-dire le mauvais œil, non seulement on peut frapper des gens avec le mauvais œil, mais on se frappe nous-mêmes. Nous-mêmes, naam, nous-mêmes on peut se frapper. Subhanallah, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est frappé lui-même. C'est pour ça qu'il lui a dit ici, normalement, quand tu rentres dans ton jardin, pas le jardin des autres, ton jardin, tu dois dire, Masha'Allah, la quwata la billah. Mais ton jardin, naam. C'est pour ça que beaucoup, par exemple, de personnes, surtout les femmes, surtout entre parenthèses, celles qui sont belles, beaucoup d'elles, par exemple, ou là, deux, des hommes aussi, il y en a aussi qui sont beaux, ou là, musclés, je ne sais pas quoi, il va se voir dans la glace, naam, et il va se dire comme ça, je suis beau, je suis ceci, je suis cela, et peut-être que le jour même, lui arrive un accident de voiture, là, lui arrive des choses, pourquoi? Il ne dit pas, Masha'Allah, la quwata la billah. Non, il ne se dit pas. Il laisse les choses comme ça et il se fait frapper par un mauvais œil. Des fois, même pour la voiture, pour la maison, pour ce qu'il achète, il ne fait pas les doigts, il ne dit pas, Masha'Allah, la quwata la billah. Il ne dit pas ces choses-là, il ne fait pas les invocations et il se fait frapper lui-même par le mauvais œil. Les versets, il y a beaucoup de versets qui sont dans, qui parlent du mauvais œil. Il y a beaucoup de versets qui parlent du mauvais œil. C'est-à-dire les deux ou trois versets qui sont très connus en ce qui concerne les mauvais œil. Il y a celui-là, je vais vous le citer ici, là, car je suis sûr que on a beaucoup parlé du mauvais œil. Ça sera aussi une révision sur le mauvais œil. Regardez ce verset. وقال يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا سي لو بير دو يوسف كي avait 11 enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes différentes. Entrez par de différentes portes. Imaginez 11 enfants qui rentrent par une seule porte. Déjà ils peuvent pas rentrer à la fois. Ils vont entrer un derrière l'autre. Subhanallah al-Azim. Imaginez des gens qui sont en train de les voir, qu'est-ce qu'ils vont dire? 11 enfants qui vont rentrer à la fois d'une seule porte. Imaginez les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et imaginez les gens, ou là les couples, ou là la femme qui est stérile. La femme qui est stérile, ou là l'homme qui est stérile, et qui va voir 11 enfants rentrer à la fois. C'est à qui celui-là? C'est à Yaqub. Et celui-là, à Yaqub. C'est le fils de qui? Yaqub. Yaqub, Yaqub, Yaqub, Yaqub. Subhanallah al-Azim, il ne va pas dire, Masha'Allah, la quwata la billah. Et il va leur arriver. C'est pour ça que Yaqub alayhi salam est très intelligent. Il a dit, mes enfants, ne rentrez pas tous à la fois de la même porte. On va rentrer deux par cette porte, trois d'une autre porte, et comme ça. Ou bien, vous allez rentrer tous les quarts d'heure, il y a quelqu'un qui rentre. Naam, ne rentrez pas tous à la fois. C'est pour ça que beaucoup de gens achètent des choses, etc. et les font passer comme ça devant les voisins qui sont nécessiteux, etc. Ils voient des choses comme ça, hein, ça leur rentre dans leur cœur, et ils n'ont pas pour acheter comme toi, et tu as été la cause pour qu'ils te frappent d'un mauvais œil, hein, pour ne pas avoir caché ta chose. Non, c'est pour ça que les gens, il y en a qui ont peur du mauvais œil, etc., font les choses, par exemple, la nuit, quand tout le monde dort ou là, ils font descendre, par exemple, les beaux meubles qu'ils ont achetés. Ils ne les font pas rentrer comme ça devant tout le monde. Non. Ils laissent, par exemple, la nuit, et ils font rentrer la chose, la belle chose. Ou bien ils la font rentrer couverte. Personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il a acheté quelque chose, il la couvre. Non. À cause du mauvais œil. Surtout de nos jours. Surtout de nos jours où beaucoup de gens sont nécessiteux. Et beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas nécessiteux, il n'y a pas assez de piété dans le cœur. Non. Au lieu de dire, Masha'Allah, mon voisin, barakallahu fik, pour avoir acheté cette chose, mashallah, Allah nous barik. Non, lui, il ressent des pincements dans son cœur et au moment où il ressent des pincements, il y a quelque chose qui sort de son cœur, subhanallah, quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on voit, par exemple, quand je téléphone à quelqu'un, je vois comme ça des vagues, ou là, comment ça s'appelle, qui sortent du téléphone, qui montent vers le satellite et ça redescend, je ne vois rien. Il y a des ondes, je ne vois pas. La même chose, il y a comme des ondes comme ça qui sortent du cœur, guidées par Iblis, et qui va les faire rentrer dans l'autre personne qui va tomber malade, ou là, il va les diriger vers la chose que tu vas acheter, invisible. Naam, il va les diriger vers la chose que tu vas acheter, et elle se brûle devant toi, et elle se casse devant toi, tu dis, subhanallah al-azim, elle a éclaté dans ma main. Cette chose, subhanallah al-azim, elle ne se casse pas, elle n'est même pas tombée. Dans ma main, elle a éclaté, subhanallah al-azim. C'est le mauvais œil. Au point où, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim al-Rahmatullah a dit, si on connaît dans un village, on connaît qu'il y a une personne qui frappe beaucoup avec son œil, qui a un mauvais œil, au point où elle peut faire tuer quelqu'un. Car vous allez voir dans un hadith qui dit que le mauvais œil peut tuer les gens. Donc, il y a des gens qui peuvent tuer avec leurs yeux. Donc, Ibn al-Qayyim a dit, si vraiment on sait qu'il y a, par exemple, dans une petite ville ou là, un village ou là, on sait qu'il y a des gens, ou là, il y a une personne qui a un très mauvais œil, au point où elle, des fois, il y a des gens qui meurent à cause d'elle, il a dit ici, c'est obligé alors que le gouverneur, la police, etc., mette cette personne en résidence surveillée. Non, c'est obligé. Cette personne, on la laisse à la maison, elle n'a pas le droit de sortir. Et on lui donne une paye. Chaque mois, on lui donne 1000 euros ou les 10 000 euros. Tu restes à la maison, tu ne sors pas. Tu as tout ce que tu veux, bien sûr. Tu as toutes les personnes qui veulent venir te voir, de la famille, etc. C'est permis. Mais tu ne sors pas de la maison jusqu'à ce que tu guérisses ou tu meurs. Jusqu'à ce que tu guérisses du mauvais œil ou tu meurs. Maintenant, il y a des gens qui meurent à cause de toi. Il faut rester dans la maison. Naam, pour vous dire que c'est quelque chose de grave. Naam, c'est quelque chose de grave et quelque chose qui arrive et qui arrivait beaucoup et qui reste toujours jusqu'à la fin du monde. C'est une chose qui restera jusqu'à la fin du monde. Il y a un troisième verset qui montre aussi que le mauvais œil existe dans le Coran. On donne d'abord dans le Coran, ensuite on donne dans la Sunna. Naam, il y a un troisième verset. Regardez ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Peu s'en fout, subhanallah al-azim, peu s'en fout, jazakallahu khair whisper, peu s'en fout que ceux qui mécroient, les kuffars, ne te transpercent par le regard quand ils entendent le Coran, ils disent il est certes fou. Allah ta'ala a dit les kuffars risquent de te transpercer par le regard. Certains gens ont des regards qui transpercent. Naam, transpercer, subhanallah al-azim. Naam. Donc, ce sont trois versets qui montrent quoi? Qui montrent que le mauvais œil existe dans le Coran. Quant à la sunna, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de hadiths dans la sunna. Je vais en citer quelques-uns. Pour ceux qui ont l'arabe, regardez ce hadith. Al-aynu haqqa. Rawa Abu Daoud, numéro Sahih Abu Daoud, Cheikh Al-Albani, numéro 3879. Al-Ayn. Le mauvais œil existe. Le mauvais œil est juste. Le mauvais œil existe, si on peut dire. Haqq, c'est quelque chose que tu ne peux pas ignorer. C'est quelque chose que tu ne peux pas dénier. Dire que ce n'est pas vrai. Le prophète Islam a dit Al-Ayn. Il a dit aussi, dans un autre hadith, il a dit Ista'idhu billah min al-ayn fa inna al-ayn haqq. Sahih al-Jama' 938. Ista'idhu, yani demandez refuge auprès d'Allah min al-ayn, du mauvais œil. Le mauvais œil existe, fa inna al-ayn haqq. Le mauvais œil, yani est juste. Naam, il a dit ici, il a ajouté quoi? Prenez refuge. Comment on prend refuge? Qu'est-ce qu'on doit dire? A'udhu bi kalimati Allahi tamma من كل شيطان وعاء وهامة ومن كل عين لامة. Trois fois. أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Ou bien, mieux que ce dua, قل أعوذ برب الفلق jusqu'à ce qu'on la termine. نعم, يقول أعوذ برب الناس. تقول أعوذ برب الفلق. Car le prophète صلى الله عليه وسلم, quand Jibril lui a fait descendre ces deux sourates, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, il a délaissé tous les autres dua pour ces deux sourates. Mais ce dua, أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة, il faut le dire, il faut beaucoup le dire avec sourate قل أعوذ برب الفلق. نعم. Ensuite, regardez le troisième hadith, qu'est-ce qu'il dit. Regardez, qui est très important aussi. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. إذا رأى أحد منكم, إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. صحيح الجامع numéro 557. Il a dit, si jamais quelqu'un de vous voit en lui-même ou bien en son frère quelque chose qui lui plaît, alors qu'il lui dise barakallahu lak, qu'il lui fasse des doigts de la baraka, de la bénédiction. Il a dit fa'inna al-ayn haq, car le mauvais œil existe. Donc qu'est-ce qu'il a dit ici? Si quelqu'un de vous voit en lui, en soi-même ou bien en une autre personne quelque chose qui lui plaît, qu'il lui dise barakallahu fik ou barakallahu lak. Non, quand tu vois chez ta sœur une chose qui te plaît, dis-lui barakallahu lak, Allah mubarik laki fiha. Quand tu vois en ton frère, il a acheté une belle voiture là, tu lui fais le doigt, tu lui dis Allah mubarik lak, as'alullah an yubarik lak. Et toi, quand tu fais un doigt, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand tu fais un doigt pour ton frère, les anges aussi te font le doigt, même si surtout si tu le dis en cachette, tu lui fais des doigts en cachette pour que Allah Ta'ala lui fasse la bénédiction dans la chose qu'il a achetée. Tu lèves tes mains, tu dis Ya Allah, barik lahu fi siyarati, etc. Même c'est pas la peine qu'il t'entende. Car s'il ne t'entend pas, il y a un ange spécialement qui demandera à Allah de te donner la même chose qu'il lui a donnée. Subhanallah al-Azim. Regarde qu'est-ce que tu gagnes. Tu gagnes deux choses. Ou trois choses. Premièrement, tu as obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui t'a dit de faire cette chose. Tu as des hajj. Deuxièmement, tu as gagné que l'ange va demander à Allah de te donner la même chose. Subhanallah al-Azim. Troisièmement, tu as gagné que tu purifies ton cœur. Car le cœur est malade. Le cœur ressent des pincements. Il dit pourquoi lui il a, pourquoi moi j'ai pas. Pourquoi Allah lui a donné, pourquoi moi il ne m'a pas donné. Pourquoi celui-là il a pu, pourquoi moi j'ai pas pu. Et comme ça, shaitan. Mais maintenant, tu fais le djihad à ton nefs. Tu fais le djihad à ton cœur. Naam, moi j'ai pas, mais je vais lui faire un doua pour que Allah Ta'ala lui fasse la baraka. Je vais lui faire un doua, même si j'ai pas ressenti beaucoup de plaisir quand il a acheté cette chose. Naam, j'ai senti des pincements. J'ai mon cœur malade, mais je vais brûler mon cœur. Naam, je vais le brûler pour qu'il se soigne, pour qu'il guérisse. Je vais le brûler et lui faire des doua à cette personne. Naam, regardez le hadith qui va venir. Regardez le prochain, qu'est-ce qu'il dit. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dommage pour ceux qui n'ont pas l'arabe. Il a dit, inna al-ayna la tula'u bil-rajuli bi-idhnillahi ta'ala hatta yas'uda haliqan thumma yataradda minhu. Subhanallah al-azim. C'est un hadith sahih. Chez Cheikh al-Albani, Allah yarhamou. Naam, j'ai oublié de mettre son numéro, c'est tout. Mais c'est un hadith qui a été pris de Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani, Allah yarhamou. Que dit ce doigt? Que dit ce hadith, pardon? Il a dit, et des fois, le mauvais œil s'accroche en la personne, bi'idhnillah, jusqu'à ce qu'il fasse monter cette personne une montagne et qu'il la fasse jeter d'en haut. Subhanallah al-Azim. Des fois, le mauvais œil, il est difficile et il est transperçant. Et il est empoisonné, yani il vient d'un cœur vraiment souillé, d'un cœur vraiment malade, d'une personne vraiment yani mauvaise, au point où subhanallah, il s'accroche en toi, ce mauvais œil qui sort de son cœur, vient s'accrocher en toi jusqu'à ce qu'il te fasse monter une montagne il te fasse jeter dans l'eau. Ou là, il te fasse monter la terrasse d'un immeuble et te dit jette-toi. Et tu te jettes sans que tu le veuilles. C'est le mauvais œil. On dit X s'est suicidé. X est mort hier. Il dit subhanallah al-azim. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne personne, c'est une personne qui est tout le temps dans la mosquée, etc. Naam. C'est le mauvais œil qui l'a pris. Naam. Croyez ou ne croyez pas. Comme ça dit le hadith. Abou Mariam, je sais, tu t'es pas suicidé, tu es là, je te vois, naam. Je t'ai pas donné un mauvais œil, tu es là, alhamdoulilah. Salam, je te vois, naam. Tu croyais que je parlais de toi, hein? Naam, je parlais pas de toi. Naam, je disais que, subhanallah al-azim, il y a des gens qui se suicident à cause du mauvais œil, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez dans le prochain hadith, qu'est-ce qu'il a dit. À propos du mauvais œil, hein? Regardez, il a dit Al-aynu tudkhilu ar-rajul al-qabra wa tudkhilu al-jamal al-qidr. Le mauvais œil fait rentrer l'homme dans sa tombe, dans la tombe, et fait rentrer le chameau dans la marmite. Hadith sahih. Cheikh al-Albani a dit Hassan, un bon hadith, 4144 dans Sahih al-Jama. Qu'a dit le prophète, il a dit le mauvais œil peut rentrer la personne dans la tombe. Qu'est-ce que ça veut dire, il peut la faire rentrer dans la tombe? Peut te faire mourir. Un mauvais œil peut te faire mourir. Naam. Et il peut faire rentrer le chameau dans la marmite. Le chameau, comment il peut rentrer dans une marmite? Donc, il va mourir. Quelqu'un va lui donner un mauvais œil, va le frapper par un mauvais œil, et voilà que le chameau est malade et il meurt. Juste avant de mourir, on va l'égorger et on va le manger, et on va le monter, et on va le rentrer dans la marmite et on va le manger. Naam. Si vous mangez le chameau, laissez-moi la tête. Naam. Ensuite, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez le prochain hadith qui va venir. Tayyib, j'ai dépassé, Allahu Akbar. J'ai dépassé, je dois arrêter. Tayyib a dit An Asma bint Umays, radiyallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Qalat ya Rasulullah, إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفاسترقي لهم؟ قال نعم فإنه لو كان شيء سبق القدر لكان العين. Je n'ai pas terminé. فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. نعم. Je remets le hadith en entier maintenant. عن أسماء بنت عميس. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, la famille, nous la famille de Ja'far, parce qu'elle était mariée avec Ja'far radiallahu ta'ala anhu. Elle a dit, nous la famille de Ja'far, subhanallah al-azim, le mauvais œil nous attrape très facilement. Le mauvais œil nous attrape très facilement. Est-ce qu'on fait la ruqya? On va faire une ruqya? Il a dit, na'am. S'il y a quelque chose qui peut précéder le destin, c'est alors le mauvais œil. S'il y a quelque chose qui peut précéder le destin, c'est alors le mauvais œil. Donc vous remarquez ici que certaines familles sont plus enclines, plus aptes à recevoir le mauvais œil que d'autres. Non, certaines personnes reçoivent le mauvais œil beaucoup plus facilement que d'autres. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais citer ce hadith, je vais m'arrêter, inshallah ta'ala, ici, parce que j'ai dépassé la khut. Il a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aksaru man yamutu min ummati ba'da kitab la'azawj l'uqada'i wa qadari bil anfus, yani l'ayn. Subhanallah al-azim. Hadith bon. Hassanahu al-Albani, c'est Zilal al-Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La chose, après le Coran, après le Coran ou bien après ce que Allah Ta'ala a écrit et après son destin, la chose qui fait tuer le plus de gens, c'est quoi? C'est l'infos, c'est l'aïm. C'est pour ça, c'est le mauvais œil. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre hadith authentique, il a dit, la plupart de ma nation meurt avec le mauvais œil. Vous croyez cela ou vous ne croyez pas? Vous croyez que la plupart des musulmans meurent avec le mauvais œil? Subhanallah, des fois on dit, comment cela? Comment est-ce possible? Naam, subhanallah, est-ce qu'on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu t'es trompé, ou là on lui a dit, tu as menti? Astaghfirullah. Naam, quand tu fais un accident, pourquoi l'accident? La plupart du temps, c'est le mauvais œil. Tu tombes malade, c'est le mauvais œil. Tu n'as plus ton argent qui était dans la poche. Le mauvais œil est comme ça. Naam, le mauvais œil, il est le sebeb. Le sebeb pour que tu fasses un accident de voiture. Il est le sebeb pour que quelqu'un se suicide. Il est le sebeb pour que quelqu'un tombe malade. Il est le sebeb pour qu'il meure. Pour qu'il meure, c'est pas seulement qu'il tombe malade. Et il est le sebeb pour des milliers de choses. Ça veut dire quoi, conclusion? Conclusion, on doit beaucoup, beaucoup faire les doigts. Beaucoup faire les doigts. Beaucoup lire « Ola a'udhu bi-rabbi al-falaq, ola a'udhu bi-rabbi al-nas ». Beaucoup lire le doigt « Ola a'udhu bi-kalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli aynin lamma ». Beaucoup faire les doigts avant de sortir. Beaucoup lire « Ayatul Kursi ». Naam, il y a des gens qui ne font jamais les invocations, l'adhkar. Jamais, naam. Et ils les voient tout le temps malades, tout le temps jeunes, tout le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré une femme, comme ça une famille, il a vu un enfant qui, subhanallah al-azim, son visage très jaune. Il a dit, celui-là, il a le mauvais œil. Faites-lui la ruqya. Celui-là, il a le mauvais œil. Faites-lui la ruqya. Inch'Allah ta'ala, on se rencontre dans 10 minutes. Je vous rencontre dans 10 minutes pour les questions, inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ash'hadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.